وقعوا في تلك البدعة فتأمل. Et si, Cheikh Labani dit, et s'il connaissait cette facilité de la religion, ce hadith que l'on vient de citer, il n'aurait pas fait cette innovation, réfléchi donc, comme le dit Cheikh Labani, rahimahullah ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.